Salvador Antonio Valdés Messin, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste cubain, vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba et envoyé spécial de Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste cubain, a quitté par avion Pyongyang le 30 juin avec sa suite pour regagner leur patrie.